Chant numéro 21. Déjà mes yeux venaient se fixer à nouveau dans les yeux de madame, et mon âme avec eux, s'éloignant tout à coup de tout autre intérêt. Elle ne riait pas, et elle m'expliqua. Si je te souriais, tu deviendrais pareil à ces mêlées qui furent réduites en cendres. Tu dus t'apercevoir que le long des degrés du palais éternel, ma beauté se transforme à mesure qu'on monte et s'accroît toujours plus. Elle resplendirait si fort, ses jambes montraient tout l'éclat, que ton cœur de mortel, devant elle, ne serait qu'une feuille au gré de l'ouragan. Voici que nous reçoit la septième splendeur, qui là, sous le poitrail du lion enflammé, projette des rayons chargés de sa vertu. Que ton esprit s'applique à suivre ton regard. Tâche de refléter dans tes yeux la figure qui deviendra pour toi visible en ce miroir. Si l'on a bien compris quelle était la pâture qu'avaient trouvée mes yeux sur son heureux visage quand je l'abandonnais pour des soins différents, on pourra mieux saisir quel était mon plaisir d'obéir de la sorte à ma céleste escorte, en faisant d'un désir le contrepoids de l'autre. Au-dedans du cristal qui tourne autour du monde et qui reçoit son nom d'après le doux seigneur du temps duquel la terre ignorait la malice, de la couleur de l'or qui scintille au soleil, j'aperçus une échelle allant de bas en haut si loin que mon regard n'en trouvait pas le bout. Le long de ces degrés, je vis tant de flammèches descendre qu'on eût dit que toutes les étoiles qui paraissent au ciel venaient s'y rencontrer. Et comme, obéissant à leur loi naturelle, la bande des corbeaux, sitôt que le jour pointe, s'ébat pour réchauffer les ailes engourdies, et puis les uns s'en vont pour ne plus revenir, les autres font retour à leur point de départ, ou bien restent sur place en tournoyant dans l'air. De la même façon, il me semblait voir là tous ces scintillements venir en même temps, se placer à la fois sur un certain gradin. Celui qui se trouvait être plus près de nous devenait si brillant que je dis en moi-même. J'aperçois bien l'amour que tu veux me montrer. Mais celle dont j'attends de mon silence ou dire le quand et le comment se tait. Malgré l'envie, je pense donc bien faire en ne demandant rien. Ce qui fit bientôt qu'elle, ayant vu mon silence au moyen du regard de celui qui voit tout, elle dit. Satisfais le désir dont tu brûles. Bien que je sache, dis-je alors, que mon mérite ne me rend pas encore digne de ta réponse, au nom de celle-ci qui permet qu'on t'en prie, ô bienheureux esprit qui te cache ainsi au sein de ton bonheur, laisse-moi donc apprendre la raison qui t'a fait venir plus près de moi. Explique-moi pourquoi, dans cette sphère à vous, se tait du paradis la douce symphonie qui si dévotement résonne un peu plus bas. C'est que, comme ton œil, ton oreille est mortelle, me fut-il répondu. Pour la même raison, nous suspendons nos chants et ces ris, Béatrice. Je descends les gradins de l'échelle sacrée pour mieux te faire fête, autant par mes propos que par cette clarté dont tu me vois drapée. Ce n'est pas plus d'amour qui me pousse vers toi. Ici, chacun en sent autant et davantage, et ses scintillements le rendent manifeste. La charité suprême et celle qui nous presse de servir le vouloir qui gouverne le monde et qui, comme tu vois, nous dispose à son gré. Je vois bien, répondis-je, aux lumières sacrées, comment un libre amour suffit dans cette cour pour accomplir les vœux d'une éternelle grâce. Ce qui paraît pourtant difficile à comprendre, c'est parmi tant d'éclats, cette raison précise qui t'a prédestiné toi seul à cet office. Avant d'avoir fini le dernier de ces mots, ayant fait de son centre un axe, ce flambeau se prit à tournoyer plus vite qu'une meule, puis l'amour enchâssé au-dedans répondit. C'est un éclat divin qui sur moi projeté traverse la clarté dont sont formés mes langes, et sa propre vertu, s'unissant à la vue, vient m'élever si haut au-dessus de moi-même que l'essence suprême est visible pour moi. De là tout ce bonheur qui me fait scintiller, puisque dans la mesure où s'épure ma vue, la splendeur de mon feu devient plus éclatante. Mais l'âme qui se baigne au ciel le plus serein, le même séraphin qui se mire dans Dieu plus fixement, ne peut répondre à ta demande. Ce que tu veux savoir plonge dans les abîmes des décrets éternels qui se trouvent si loin que les regards créés ne sauraient les toucher. Lorsque tu reviendras au monde des mortels, répète tout ceci pour que l'on n'ose plus se diriger en vain vers des buts trop abstrus. L'esprit qui brille au ciel est fumeux sur la terre. Pense donc à part toi s'il peut savoir là-bas ce qu'il ignore encore au ciel qu'il a reçu. Ces mots étaient pour moi de si fortes raisons que, renonçant au reste, il fallut me borner à prier humblement pour qu'il me dît son nom. Là-bas, en Italie, entre ces deux rivages, non loin de ton berceau, sont deux rochers si hauts qu'on entend le tonnerre au-dessous d'eux gronder. Ils forment l'éperon appelé Catria, au pied duquel se trouve une sainte chapelle seulement consacrée à l'adoration. C'est ainsi qu'il reprit pour la troisième fois. Puis, en continuant, il dit « C'est en ce lieu qu'au service de Dieu je me suis raffermi et qu'un maigre manger trempé de jus d'olive m'a suffi pour passer le froid et la chaleur, satisfait de mes seules pensées contemplatives. Ce cloître préparait de fertiles moissons pour le ciel. À présent, il devient si stérile qu'il faut qu'un jour ou l'autre on le sache partout. Mon nom dans cet endroit fut Pierre Damien, et Pierre le pêcheur dans cette autre maison construite à Notre-Dame au bord adriatique. Il me restait bien peu de mon âge mortel quand je fus appelé par la force au chapeau qui passe maintenant toujours de mal en pis. Car ses faces, aussi bien que l'illustre vaisseau du Saint-Esprit, nu-pieds et ventre creux, allaient et cherchaient leur manger au hasard des auberges. Nos pasteurs d'aujourd'hui doivent le plus souvent s'appuyer sur quelqu'un à droite comme à gauche, tant ils se font pesants, et on les hisse en selle. Comme ils vont des manteaux couvrant leur pâle froid, sous une même peau, on dirait voir deux bêtes. Que de choses tu peux souffrir, ô patience! Je vis à ce moment de nombreuses flamèches descendre en voltigeant d'un échelon sur l'autre, et chacun de leur tour les rendait plus brillantes. Ensuite, s'arrêtant autour de celle-ci, on entendit un cri qui retentit si fort que rien ne le saurait évoquer ici-bas. Mais je n'ai rien compris, tant le bruit m'accabla.